assis sur mon lit, à l'altitude du sommeil. Triste comme un mort qui a perdu son soleil. J'imagine une vie d'astro-musicien, idole à son heure.